pas bien. Alors je vais chez le médecin, même si je hais les vieux dans la salle d'attente, les bébés dans la salle d'attente, les bonnes femmes super trop chiantes, et le caca de ceux qui ont la coulante. Je hais les gens encore plus quand j'attends. Je hais les gens encore plus quand j'attends.